Yes, I. Come again. Development United Crew. Come again. Pour toutes les ladies. Uh-huh. Ouais, pour vous faire bouger, pour vous faire danser. Mais oui, toujours avec du respect. You know. Ooh, lady, bouge ton corps dans tous les sens. C'est fou comme j'aime te regarder quand tu danses. À toi seul dans la place, tu mets l'ambiance. Continue comme ça, non, ne t'arrête pas. Lady, face à toi je ne fais pas de résistance. Je laisse aller mon corps vers toi en cadence. Une chaleur s'installe entre nous, c'est intense. J'en perds tous mes sens, quelle est cette influence que j'ai kiffé cette soirée. Face à face en train de whiner, j'ai kiffé cette soirée. Même si entre nous rien ne s'est passé, j'ai kiffé cette soirée. Face à face en train de whiner, j'ai kiffé cette soirée. Ooh lady, I love you ladies, we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, we love you ladies, je vous le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, we love you ladies. C'est pour ça pour toutes les princesses je reviens représenter. Quand t'es dans la place je me sens inspiré. J'aime te voir danser, j'aime te voir transpirer. C'est pour ça pour toutes les ladies je demande du respect. Eh gars, si t'aimes les sister, lève les bras. Si t'aimes les mamas, lève les bras. Si tu respectes les women, lève les bras. Dédicace à toutes les femmes dans la place là. I love you ladies, we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, we love you ladies, je vous le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, we love you ladies. Hey, hey, hey, pour toutes les ladies, on va mettre le niveau aïe aïe aïe aïe. On mettra le niveau aïe aïe aïe. Hey, aïe. Pour toutes les princesses on veut mettre le niveau aïe aïe aïe aïe. Hey, aïe. Pour toutes les gadis yo. Car ça s'appelle ladies. Revolution au micro big up les ladies. Don Valdez un peu pas les ladies. Skunket donne du respect aux ladies. Oui j'ai dit ladies. Comment ça ladies. Mister Fan respecte les ladies. Alors toi aussi respecte les ladies. Fais du bruit si tu protèges les ladies. J'ai dit we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, we love you ladies, je vous le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, I love you ladies, je te le dis toute la nuit. I love you ladies, we love you ladies, yeah. We love you ladies. Yes. Hey. From the first time I see you, I was see that things can't be true. And it gets you so blue. Don't try something new. Cause I don't want to spend my night with you. I don't want to live my life with you. Why you want me? A bag of man rush on you. Sorry but let me live my life without you. Girl you can't buy me. Girl you can't buy me. Girl you can't buy me. No you can't buy me. Girl you can't buy me. Girl you can't buy me. Girl you can't buy me. Girl you can't buy me. No you can't buy me. Girl you can't buy me. Lady, bouge ton corps dans tous les sens. C'est fou comme j'aime te regarder quand tu danses. À toi seul dans la